إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فاليوم مع كتابنا علم العقيدة عند أهل السنة والجماعة وقد وصلنا إلى الخصائص والصفات العامة لأهل السنة والجماعة ووصلنا إلى الخصائص الرابع أهل السنة نمط واحد في باب الاعتقاد وأصول الدين. Donc les gens de la Sunna ont une seule parole dans le domaine de la croyance et des bases de la religion. Namtun, dans le sens où ils utilisent donc le même sujet, ils sont tous d'accord dans ce domaine-là. Fala munaza'a bayna al-muslimini ala khuturati amri al-i'tiqad wa 'izami shannihi wa 'ulu qadrihi. إذ المخالف فيه على شفا هلك. ليس هناك اختلاف عند أهل السنة والجماعة في باب العقيدة، يعني يرون أن هذا الباب خطير ومهم جدا وله أهمية بمكان، والذي يتخالف أو يخالفهم في هذا الباب فيرون أنه على شفا هلك، كما مثلا في القصة الذين ما آمنوا بالقدر لما قال مثلا ابن عمر بأنني بريء منهم وهم براء مني. ولهذا نجد أهل السنة جميعا على قول واحد في أصول هذا الباب وكلياته، لم ينقل عنهم اختلاف في أمهات مسائل الاعتقاد وأصول الدين، بل المحفوظ عنهم اتفاقهم في هذه المسألة وعدم اختلافهم عليها. Donc les gens de la Sunna, tous, ils sont unis dans les bases de ce sujet qui est le tawhid. Et donc tous les points importants. Et on ne retrouve pas chez eux de divergence dans les sujets importants de Usuluddin ou Mahat, donc les sujets importants. Et ce qu'on a d'eux, justement, c'est le contraire, c'est qu'ils sont tous unis dans ce sujet et ne sont pas en divergence dans ce sujet. قال الإمام الشافعي رحمه الله القول في سنتي التي أنا عليها ورأيت عليها الذين رأيتهم مثل سفيان ومالك وغيرهما أو غيرهما الإقرار بشهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله وأن الله على عرشه في سمائه يقرب من خلقه كيف شاء ينزل إلى السماء الدنيا كيف شاء. Un exemple. Donc l'imam Shafi'i dit la parole donc de la sunna que je dis et ce que j'ai vu aussi donc les gens comme l'imam Sofiane ou bien même Malik ou autre, c'est le fait de reconnaître donc et d'accepter donc c'est-à-dire d'attester donc la ilaha illallah Muhammad Rasulullah et qu'Allah est établi sur son trône. Donc Allah est établi sur son trône et il se rapproche de ses serviteurs de la façon qu'il veut lorsque il descend au premier ciel de la façon qu'il veut. Il descend au premier ciel comme il le veut, subhanahu wa ta'ala. وقال الإمام أحمد رحمه الله هذه مذاهب أهل العلم وأصحاب الأثر أهل السنة المتمسكين بعروتها المعروفين بها المقتدى بهم فيما من لدن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم إلى يومنا هذا، وأدركت عليها من علماء الحجاز والشام وغيرهما عليها، فمن خالف شيئا من هذه المذاهب أو طعن فيها أو عاب قائلها فهو مخالف مبتدع وخارج عن الجماعة زائل عن المنهج السنة وسبيل الحق. الإمام أحمد يدي رحمة الله عليه: voici donc les croyances des gens de la science et des gens de la trace. يعني أصحاب الأفضل بمعنى الذين يختفون يعني الأدلة يبحثون عن الأدلة ويحفظون الأدلة. Donc ce sont en vérité les gens de la trace, c'est-à-dire de, les gens de la preuve. Les gens de la sunna qui s'accrochent donc à cette sunna et qui sont connus pour être appelés les gens de la sunna, et ce sont eux que l'on suit, que l'on prend en exemple, à partir de qui? Des compagnons du prophète jusqu'à nos jours. Et j'ai vu et j'ai rencontré donc que les savants, alors qu'ils étaient avec cette parole là parmi eux les gens de Hijaz, donc Mecca, Médine, les gens du Shem, donc ceux qui étaient en Syrie et autres, Dimashq et autres, et autres encore, tous étaient unis sur cette parole. Et ceux ou celui qui était en divergence avec cette voie-là, ou a critiqué cette voie-là, ou a critiqué ou s'est dénigré, ne serait-ce que l'un d'entre eux, les savants qui ont donc suivi cette voie, est donc quelqu'un qui est donc en contradiction. Et aussi innovateur. Et il est sorti du groupe. Et il s'est égaré de la voie de la sunna et de la voie de la droiture, de la vérité. قال ابن كثير في وصف وبيان من هم أهل السنة. قال وهم أهل السنة والجماعة المتمسكون بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم وبما كان عليه الصدر الأول من الصحابة والتابعين وأئمة المسلمين. Donc Ibn Kathir rahmatullah alayhi, en montrant qui sont les gens de la sunna, il dit ce sont les gens de la sunna et du consensus, ceux qui s'accrochent au livre d'Allah et la sunna de son envoyé sallallahu alayhi wa sallam, comme l'étaient donc les premiers, les gens des premiers temps, donc les sahabati, les compagnons, at-tabi'in, ceux qui ont succédé les compagnons, et les imams des musulmans avant, donc dans les débuts de l'ère de l'islam et maintenant, hein, fil qadim wa fil hadith, donc les anciens et les nouveaux. Wa hada la ya'ni anna kull masa'il i'tiqad muttafaq 'alayha 'inda ahli sunnah wal jama'ah is qad waqa' al khilaf bayna sahabati anfusihim hawla ba'd masail al 'aqidah walakin lam takun hadhihi al masail min ummahat wa kulliyat fi hadha al bab. Ça ne veut pas dire que dans les sujets de l'Aqida, il n'y a pas eu du tout de divergence chez les gens de la sunna et du consensus. Il y en a eu, même parmi nos compagnons, vis-à-vis de certains sujets. Mais ce ne sont pas les sujets de base. Même celui qui ne les connaîtrait pas, ça ne serait pas important pour lui. Parce que ça ne fait pas partie des sujets obligatoires à connaître. Donc les sujets qui sont de base, kuliyat, c'est-à-dire les sujets qui font les grands titres, ils sont toujours ça comme ça. وَمِنْ أَمْثِلَ عَلَى ذَلِكَ اختلافهم في رؤية النبي صلى الله عليه وسلم لربه ليلة المعراج هل وقعت أم لا. Ils ont été donc en divergence sur le fait de dire que le Nabi صلى الله عليه وسلم a vu son Seigneur lorsqu'il est monté, donc l'ascension, le soir de l'ascension, la nuit de l'ascension. Est-ce qu'il a vu Allah ou pas? Donc ça rentre pas dans les choses que si on ne le sait pas, ou si on dit donne tel avis ou tel avis, c'est grave. Parce que ça rentre pas dans Ummahat. Ça ne fait pas partie des choses les plus importantes. Parce qu'on n'adore pas, Allah à travers cette chose-là, à travers justement cette histoire-là. Ce qui nous est demandé le tawhid, ce sujet-là n'entre pas en compte. Même si ça fait partie du tawhid. قال ابن تيمية رحمه الله وإنما كان النزاع بين الصحابة في أن محمدا هل رأى ربه ليلة المعراج. فكان ابن عباس رضي الله عنهما وأكثر علماء السنة يقولون إن محمدا رأى ربه ليلة المعراج وكانت عائشة رضي الله عنها وطائفة منها تنكر ذلك. Donc on voit qu'Ibn Abbas et la majorité des ulama le voyaient que le Nabi صلى الله عليه وسلم. Et Aïcha et certains ont donc dit non. Donc ont rejeté cette parole-là. ومن ذلك أيضا اختلافهم في أنه هل يكون للبدن في القبر عذاب أو نعيم دون الروح أم لا. Donc il y a aussi donc certains khilaf. Est-ce que dans la tombe. Donc le châtiment sera pour le corps. Hein, donc que ce soit le châtiment, ou que ce soit aussi donc les grâces de la tombe, c'est pour le corps et l'âme en même temps, ou que pour le corps, ou bien que pour l'âme. Il y en a beaucoup pour l'âme. Donc il y a un retirer par rapport à cela. وقصوا إلى شيخ الإسلام رحمه الله عن عذاب القبر هل هو على النفس والبدن أو على النفس دون البدن est-ce que c'est que l'âme sans le corps فأجاب رحمه الله بل العذاب والنعيم على النفس والبدن جميعا باتفاق أهل السنة والجماعة تنعم النفس وتعذب منفردة يعني منفردة عن البدن وتعذب متصلة بالبدن والبدن متصل بها فيكون النعيم والعذاب عليهما في هذا الحال مجتمعين كما يكون الروح منفردة عن البدن وهل يكون العذاب والنعيم للبدن بدون روح وهذا فيه قولا مشهورا لأهل الحديث والسنة والكلام donc ici il fait le tafsir il fait en vérité donc les chers amis témoins il faut qu'on leur pose la question il montre en vérité donc deux points deux sujets qui vont être donc il y a donc consensus. Il vous pose la question, est-ce que le châtiment dans le corps, il sera avec dans la tombe, il sera avec le corps et l'âme, ou l'âme seule? Donc il dit, le châtiment et les grâces seront donc pour l'âme et pour le corps en même temps. Il y a donc ici consensus, il n'y a pas de ritilef, donc il y a consensus chez les gens de la sunna, que l'âme, donc ils disent que l'âme va profiter donc de la ni'ma sans le badan, donc avec le badan, d'accord, munfarid anil badan, plutôt sans le badan. Donc l'âme va profiter des grâces sans le badan, et elle va être aussi, et elle va être châtiée de par le badan, elle va être châtiée avec le corps, parce que c'est le corps qui doit ressentir, c'est le corps qui va après ressentir. Donc il dit que c'est l'âme qui profite de cette ni'ma, parce que le corps ne bouge pas, et qu'est-ce qu'il voit, c'est ce que tu vas ressentir, ce que tu as dans le corps, c'est ce que tu vas ressentir. Parce que tu vas voir, quand les croyants verront le paradis. Donc c'est un délice pour l'âme. Donc ça, c'est actifar par rapport à que l'âme, c'est sûr qu'elle profite de ça. Alors, comme ils disent aussi, donc, par rapport. Donc, par rapport à ça. Et donc, ils disent que Roch sera donc Munfarid, ça veut dire seul, sans le corps. Est-ce que donc, le Azab et le Na'im, c'est pour que. Est-ce que pour le Benen tout seul? Est-ce que maintenant, donc. Le châtiment ou bien avoir la grâce, elle est que pour le roi tout seul. Et ici il y a deux paroles, les paroles des gens de la hadith et de la sunna. قال يعني وما عدا الأبدان متفق عليه عند المسلمين واليهود والنصارى هذا كله متفق عليه عند علماء الحديث والسنة هل يكون البدن دون الروح نعيم أو عذاب أثبت ذلك طائفة منهم وأنكر أكثرهم. Donc la majorité repousse du fait de dire que l'âme tout seul donc profite sans que le corps profite. Certains ont dit ça. ومن ذلك اختلافهم فيما يوزن يوم القيامة هل هو العمل أم صحيف العمل أم العامل نفسه يعني صاحب الأعمال. Il y a aussi un اختلاف maintenant pour savoir qu'est-ce qui va être pesé le jour dernier, parce qu'on retrouve les trois paroles. Est-ce que c'est l'acte, parce qu'on a des dalils comme quoi l'acte, c'est elle qui va être posée dans la balance. On a aussi des preuves comme quoi il y aura sahaif, il y aura des registres. Sahaif, yani, où il y aura justement nos actes. C'est le sahaif qui a pu montrer. Et on a aussi des preuves que c'est les gens qui vont être dans la balance. On a les trois. Donc ici, comme il dit, donc ici, laisse maqsoud ou na fi hada al-maqam istiqsa yani mithl hada al-masail. Wa inama al-maqsoud bayan anna ba'd al-masail l'i'tiqad qad waqa al-khilaf 'alayha bayna ahli sunnah wal jama'a. On voit qu'il y a un certain khilaf. Et c'est pas les khilaf qui sont graves, parce que c'est pas, ça rentre pas dans ummahat. Donc justement, ça ne rentre pas dans les mers des choses de Tawhid à connaître. Il y a le Kulahel justement par rapport ici, là, donc ce sujet-là, même si le Shir donc, n'explique pas, c'est que certains ulama, ils voient que les trois seront là. Ils voient qu'Allah Azza wa Jalla va justement, va en vérité donc créer l'acte ou par. Donc ça sera, il va laisser que l'homme, le poids de l'homme sera le poids des actes, voit que l'acte sera aussi dans Sahaf, et voit que l'acte c'est aussi donc, comme on a dit, donc il y a l'amel, il y a aussi donc l'amel en lui-même, ou bien les registres, ou bien l'acte en lui-même, ou bien l'homme en lui-même. Donc ça peut être pour certains hommes comme ça, ça peut être pour certains hommes comme ça, ça peut être pour certains hommes comme ça. Il peut y avoir une divergence. Il n'y a pas de. Chez certains ulama, ils voient que les trois ils sont acceptés, parce que les trois, il y a une fiha dalil. Les trois, avec les trois on trouve des preuves. Donc on ne peut pas rejeter une preuve authentique parce que les anthropologues sont authentiques, toutes. Donc on ne peut pas rejeter une preuve authentique pour en accepter une autre, tout simplement. Donc certains, ils voient que tout est accepté. Il y aura ça, il y aura ça, il y aura ça. Allah, il fait ce qu'il veut. Donc ici, c'est juste pour montrer qu'il existe des fois donc, des divergences dans certains points. Et ces points-là, si on n'entre pas dans le détail, c'est pas ça tout à fait. Parce qu'ils reconnaissent quoi? Le principal, c'est qu'ils reconnaissent quoi? Le châtiment et les grâces de la tombe. Vous comprenez? C'est là le culte le plus important. C'est que de ne pas renier le châtiment et de ne pas renier les grâces. Parce qu'elles existent. Vous voyez? Donc ils n'ont pas renié ça. Ils n'ont pas renié le fait qu'on ne va pas voir Allah. Ils n'ont pas dit le musulman va jamais, ne va jamais voir son Seigneur. Hatayom al Qiyama, ils n'ont pas dit ça. Je veux dire, le musulman va. Donc, il n'y a pas le fait de renier Allah. C'est juste sur TF, est-ce que le Nabi a vu Allah lorsqu'il est monté sur le mirage? Donc ça, c'est pas, ça rentre pas dans les points les plus importants. Khamisan, Al-Sunna Ahrasun Nas, Al-Ijtima' wal-Ijtilaf, wa Ab'adun Nas, Al-Iftiraqi wal-Ijtilaf. Donc normalement, les gens de la Sunna du consensus, ce sont les gens les plus assidus afin de se rassembler et d'être unis et alliés. Et les gens qui s'éloignent le plus contre justement l'irtilef, la divergence, et l'iftirah, donc la division. Inna i'tisam ahl sunnah wal jama'a min aham arkan manhajihim al mubarak. Qata'a wa'tasimu bihablillahi jami'a wa la tafarraqu. Wazkuru ni'matallahi 'alaykum id kuntum a'da'a fa'alafa bayna qulubikum fa'asbahtum bi ni'matihi ikhwana. Wa kuntum 'ala shafa hufratin min an-nar. فأنقذكم منها كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون. Donc les gens de la, le fait que les gens de la sunna du consensus soient donc accrochés tous ensemble à la once d'Allah Azza wa Jal et qu'ils soient unis, ça fait partie des piliers les plus importants de leur voie bénie. Car Allah Azza wa Jal dit et accrochez-vous à la once d'Allah tous ensemble et ne vous divisez pas. Et souvenez-vous les grâces d'Allah sur vous lorsque vous étiez ennemis. Et là, on parle justement par rapport à Al-Aws, Yanni Al-Khatarash, donc les gens de Médine, ennemis pendant plus d'un siècle. Ils ont été ennemis pendant plus d'un siècle après un Nabi Sam. Donc, lorsque les Samans rentrent à Médine, ils se sont réunis, alors qu'au début, ils étaient divisés. Ceux qui sont à l'est, ceux qui sont à l'ouest. Ceux qui sont à l'est, ils se retrouvent avec les tribus les plus riches des Juifs. Hein? Et ceux qui étaient à l'ouest, donc ils se sont retrouvés donc, avec la tribu juive pauvre, ils étaient vivés avec eux donc, parmi les pauvres. Il y en a qui se sont divisés, il y a eu une divergence. Après, Allah Azza wa Jalla dit donc que vous êtes devenus par sa grâce des frères. Fa'asbahtum, bi'inamati ikhwana. Fa'asbahtum, ce qui veut dire en vérité, une fois que tu es devenu, tu ne peux plus revenir en arrière. Vous êtes maintenant devenus des frères, vous n'avez plus de raison de revenir en arrière. C'est comme quand on dit quelqu'un Asbaha Ajouza, il est devenu vieux, il ne peut plus revenir jeune. Donc il ne peut plus revenir en arrière. De la même façon que s'il est devenu vieux, il ne peut plus redevenir jeune. Donc normalement c'est interdit pour lui, c'est impossible pour lui normalement de quitter ça. Normalement. Et vous étiez au bord du gouffre. Parce qu'ils étaient en divergence. Parce que le gouffre ramène à la divergence. Justement. La divergence ramène justement au gouffre. Vous étiez au bord du gouffre. De par la divergence, hein, au bord du, donc près du feu, au bord du gouffre du feu. Et il vous a donc sauvé de ce feu-là par le fait d'être réunis. Et c'est comme cela qu'Allah donc, vous montre clairement ses signes afin que vous soyez guidés. Allah ici nous montre que la division, elle ramène à l'enfer. Et il montre que l'union, en vérité, elle ramène au bien. Et tu seras sauvé par l'union. Ce verset, il est clair. Qala ibn Jarir at-Tabari rahimahullah. يريد بذلك تعالى ذكره تمسكوا بدين الله الذي أمركم به وعهده الذي أعده ووعده الذي عهده إليكم في كتابه إليكم من الألفة والاجتماع على كلمة الحق والتسليم لأمر الله. Donc il veut Allah عز وجل accrochez-vous à la religion d'Allah celle qu'il vous a ordonnée et au pacte. Là où donc il vous a donc bien sûr que vous, le pacte qu'il nous a donc donné et on a accepté ce pacte. Le pacte en vérité qui vous a été donc descendu, vous l'avez accepté dans son livre pour vous. parmi donc l'union et le rassemblement, autour de quoi? Autour d'une parole de vérité. Ala kalimat al-haq. Ijtima' laysa hakada bil abdan faqat. Car le rassemblement, c'est pas juste pour les corps, avec les corps, mais c'est réel, c'est à l'intérieur. C'est en suivant justement la vérité. C'est profond, c'est le cœur, c'est la langue et c'est la parole. C'est la langue et c'est les actes. C'est tout cela en réalité. Wat taslim li amrillah. Et aussi se soumettre aux ordres d'Allah subhanahu wa ta'ala, à ce que Allah nous a ordonné. Donc accepter. وروى ابن جرير بأسانده إلى ابن مسعود رضي الله عنه أنه قال في التفسير لحبل الله في قوله تعالى واعتصموا بحبل الله جميعا الجماعة. Donc ابن مسعود dit dans le tafsir de cette parole là, donc le حبل الله, la hanse d'Allah, il dit le groupe, الجماعة. ومثل هذا نقله القرطبي عنه في تفسيره. وذكر ابن جرير أقوالا أخرى عن السلف في تفسير معنى حبل الله, معنى القرآن والإخلاص لله وحده والإسلام. حبل الله, on a toujours entendu ça. On a beaucoup entendu le Coran généralement. On entend beaucoup tout cela. Et ou bien la sincérité envers Allah seul, ou bien l'islam. على كل هل كلها يعني متفقة. كلها متفقة. Elles sont toutes, c'est-à-dire en réalité, elles ont tous un lien avec l'autre. L'islam, c'est le groupe. L'islam, c'est le Coran. L'islam, c'est la sincérité. Donc il n'y a pas de problème parce que tout est en vérité, c'est juste irtiraf tenawa. C'est en vérité donc simplement donc plusieurs noms différents mais qui reviennent à la même chose. Wa qala Shawkani rahmallahu fi nafs al-aya amarahum Allah an yajtami'u 'ala tamassuki bi din al-islam aw bil Qur'an wa nahahum 'an at-tafarruqi an-nashi 'an al-ikhtilaf fi ad-din. Donc il dit, Allah leur a ordonné d'être unis, à s'accrocher, à être donc assidu à la religion de l'islam ou du Coran. Il leur a interdit à la division donc qui donc justement la division qui vient donc qui vient à cause de quoi? À cause de l'irtilef, donc justement donc la divergence amène à la division dans la religion. وهذه الأقوال أوداها واحد ونتيجتها واحدة فإن الاعتصام بالقرآن والإخلاص لله وحده وتمسك بالإسلام الصحيح تمسك بالإسلام الصحيح الذي جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم كلها مما ينتج عنه تألف المسلمين واجتماعهم وترابطهم وتماسكهم مجتمعين. Donc ici, toutes ces paroles-là, donc en réalité, elles reviennent à une seule chose. Et elles ont un seul résultat. C'est que celui qui s'accroche au Coran, et il est sincère envers Allah Azza wa Jal seul, il s'accroche à l'islam, qui est véridique, l'islam dont le prophète sallallahu alayhi wa sallam est venu avec. Donc tout cela en vérité amène à quoi? À l'union, au rassemblement des musulmans. Et le fait qu'ils ont des liens les uns vers les autres. Et justement, donc il va s'accrocher, donc justement, donc ce groupe-là va justement être accroché à cela. وقال ابن القيم رحمه الله في حقيقة هذا الاعتصام وهو تحكيمه دون آراء الرجال ومقاييسهم. تحكيمه بمعنى تحكيم القرآن. Donc le fait de revenir au Coran. Hein, s'il y a quelque chose qu'on n'a pas compris, si on ne sait pas comment faire, si ceci, donc tout ce qu'on doit faire dans notre religion, on revient au livre d'Allah Azza wa Jal, sans prendre les avis des hommes. De prendre les avis des gens qui sont bien sûr en contradiction avec les gens. Ou bien des analogies. Hein, des analogies qui viennent de leur part et qui ne sont pas en vérité issues du Coran, de sa tête. Ils pensent que c'est comme ça, il est issu de sa tête. ومعقولتهم وبيد leur raison وأذواقهم parce qu'ils ont essayé, ils ont goûté, dans le sens où c'est des tajarrub comme ils font les soufis, hein. Ils restent longtemps là-bas, ils s'enferment longtemps là-bas jusqu'à ce que des mois après ils sortent et disent je suis arrivé à un niveau, faites comme moi, مثلا hein. وكشوفاتهم, toujours la même chose, on est toujours par rapport à soufis, ce que soi-disant ce que comme on dit, c'est par rapport à la première parole que j'ai dit. Donc ils sont arrivés aussi à dire que je suis arrivé à voir des choses que vous ne voyez pas. Je ressens des choses que ne vous ressentez pas. Vous n'avez pas ressenti. Radha kazib. فمن لم يكن كذلك فهو منسل من هذا الاعتصام. فالدين كله في الاعتصام به وبحبله. علما وعملا وإخلاصا واستعانة ومتابعة واستمرارا على ذلك إلى يوم القيامة. Donc c'est comme si Donc celui en vérité qui n'est pas comme ça, c'est comme si en vérité c'était, hein, il s'était en vérité donc détaché de cette voie-là, l'i'tisam, c'est-à-dire le fait de s'accrocher à la hanse d'Allah. Car toute la religion, c'est s'accrocher justement à la hanse d'Allah Azza wa Jal par la science, l'acte, la sincérité, le fait de demander de l'aide d'Allah Azza wa Jal pour cela, le fait de suivre donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam par rapport à cela, et de rester avec ça jusqu'au jour dernier. Istimraran illa yawm al-qiyamah. Daiman wa abadan. قال ابن المبارك رحمه الله ان عبد الله بن المبارك دي المروزي رحمه الله ان الجماعه حبل فاعتصموا منه بعروته الوفقى لمن دانا. Donc il dit certes le groupe c'est une anse, une grosse corde, c'est une anse solide, donc c'est une anse, accrochez-vous à cette anse, donc accrochez-vous donc par justement par cette anse qui sont donc les plus dures pour celui qui se rapproche. Donc c'est pour celui-là on a dit qu'il se rapproche de cette sunna. فأهل السنة على الحقيقة هم الجماعة والاجتماع مع الحرص على ذلك والتواصي به ظاهرا وباطنا. Donc réellement les gens de la sunna, ils sont donc en réalité ce sont les gens donc, du groupe et de l'assemblement, et ils sont assidus à cela, ils recherchent justement que les gens soient unis. Ils recherchent cela, que ce soit donc intérieurement ou extérieurement. ولكنهم حين يجتمعون ويدعون الى الاجتماع يضبطون دعوتهم بضابطين هما. Lorsque les gens bien sûr se rassemblent et appellent les gens au rassemblement, bien sûr ils le font avec des bases, avec deux bases importantes. Premièrement c'est al-ijtima ala kalimati al-haq, premièrement de se rassembler à partir d'une parole de vérité. Fabiduna hadha al-qayd al-dhabit la yakun ijtima aslan فضلا عن أن يكون صحيحا ذلك أن الباطل وأهله في أمر مريج لا يقرون على القرار ولا يهتدون لأمر السواء أو لأمر السواء. Donc sans ce qaid, sans vérité, donc ici c'est comme si c'était en vérité une condition, hein, et qui est donc un dhabit, qui est en vérité donc une règle. Ils savent que sans cette règle-là, si on ne peut pas se rassembler par la vérité, donc ce n'est pas un vrai rassemblement, c'est un faux rassemblement. Comme le font Badun Nas. Yani, yajtami'un fima ittafaqu alayhi wa ya'tadirun fima ikhtalafu fih. Wada sahih, laysa bi sahih, hada khata. La'hum ikhtalafu fi umur yani mumkin muhimma jidan fi al-aqida. Fahum yani yaqulun ana a'tadir. Yani je ferme les yeux, dir ma bghit. أنا معلش خلي هذا ليس بصحيح. إذا كان هو على خطأ يعني فهو على خطأ. إذا كان مثلا أمره يوصله إلى النار كيف نأكل أعتذر بك. إذا كان الله هو الذي لا يغفر له كيف نحن يعني نغفر له يعني الله لا يقبل منه ذلك كيف نحن نقبل منه ذلك. Il y a des gens qui vont dire si on va s'unir sur là où on est d'accord et sur là où on n'est pas d'accord on ferme les yeux. C'est une fausse règle parce qu'il y a des points où on n'est pas d'accord. C'est des points qui sont vitaux dans la religion, dans le sens où ils sont importants. C'est des bases de la religion. Donc on ne peut pas fermer les yeux sur ça. Puisque Allah n'a pas fermé les yeux sur ça, il n'a pas délaissé cela, on ne peut pas fermer les yeux sur ça. On est obligé de prendre attention donc, sur ça. Donc c'est khata. Mada fa'alu, ijtama'u, maha shi'a mafan. Wa sakatu ala akwal ma shi'a, yani fi sahaba, fi aisha, fi al-Qur'an, fi un, fi ali, fi. Yani akadibin. Et ils ferment les yeux sur ce que ses compagnons insultent. Omar, Ayn Abu Bakr, Omar, Aïcha, et tous les autres compagnons. Ce qu'ils disent sur Yani Ali, ce qu'ils disent sur le Coran, et l'Akhir. Vous m'y accédez-vous, Yani Fikita Billah Azal. Yakoun bin Nahad al-Quran, la Sabi Kamil. Wafihi Tahrif, Wafihi Naqs, Wafihi Ziyada. Al Taqbel ou Zalika, ou la Taqbel. Al Quran ou la Yani Fihi Naqs, ou Fihi Ziyada. أو فيه تحريف فيه تغيير هكذا يقول هذا كفر بالله عز وجل هذا كفر بالله عز وجل فهذا يكفي الشيعيين يقولون que ce Coran là donc n'est pas complet ou on a rajouté des choses ou on a enlevé des choses ou on a changé des choses ça suffit pour justement de dire que cette parole là est une parole grave ou que c'est une parole qui est de mécréance donc c'est pour ça que le rassemblement il est dans la vérité ليس فقط صوري يعني اجتماع يعني في مكان واحد عند المحاضرات ولا عند الندوات لا سي با جوست بور فار سامبلون اون سرا سامبل اون فيريتي اون كور سو با سامبل سي با سامبل فسبب الاجتماع جمع الدين كله علما وعملا ونتيجته سعادة الدنيا والآخرة. Donc la cause de ce rassemblement, c'est le fait de rassembler la religion. C'est pas nous qu'on se rassemble. Et alors qu'on n'a pas des religions, on a plusieurs religions différentes. Non, c'est la religion qui nous a rassemblés. Mais c'est pas nous qui nous sommes rassemblés et on veut ramener des autres, alors qu'il y a des autres religions qui sont différentes. Donc vous comprenez, on a rassemblé des corps, mais on n'a pas rassemblé la religion. Il y a un problème. On doit se rassembler autour de la même religion. Vous voyez la différence? Ils ont fait le contraire. Donc, la cause du rassemblement, c'est justement le fait que la religion elle est là complètement, vis-à-vis de la science, vis-à-vis de l'acte. Et son résultat, c'est sa'ada, le bonheur, dans la vie d'ici-bas et dans l'au-delà. Wa qala Cheikh Ibn Taymiyyah rahmallah, inna sabab al-ijtima' wal-ulfa jam'u ad-din wal-'amal bihi kulli. Ha kulluhu, yani al-'amal bihi kulli. Wa huwa 'ibadatullah wahdahu la sharika lahu, kama amara bihi batinan wa zahiran. ونتيجة الجماعة رحمة الله ورضوان وسعادة الدنيا وبياض الوجوه. Donc Cheikh Ibn Taymiyyah il dit le sabab de l'ijtima, la cause du rassemblement et de l'union, c'est le rassemblement de la religion et l'acte et de mettre donc cette religion en application. C'est donc l'adoration d'Allah Azza wa Jalla seul sans associer en quoi que ce soit, comme il l'a ordonné de façon donc cachée et apparente. Et le résultat de l'jama'a du groupe, c'est de recevoir la miséricorde d'Allah et son agrément. Et le bonheur dans la vie d'ici-bas et dans l'au-delà, et des visages blancs, et des visages donc illuminés. Wabayad al-Ujuh. Yaqulu ta'ala, juste après, donc vous connaissez ce verset, vient juste après le verset qu'on avait auparavant, un mot qui vient après. Yawma tabyadu ujuh wa tasaddu ujuh. Fa amma alladina aswadat ujuhum akafartum ba'da imanikum. Fa zuqu al-'adaba bima kuntum takfurun. Le jour où les visages vont être illuminés, et les visages vont noircir. Mais à propos de ceux qui ont les visages noircis, avez-vous mécru après avoir reçu la foi? Qu'est-ce qu'il y a? Le kuffar, ma amanu aslan. Ma dakhalu l'islam. Le kuffar. Fahou yatakalam an nas aladina dakhalu l'islam, ou qu'il gayalu l'islam. A kafartum ba'da imanikum. Donc, avez-vous mécru après avoir cru? On ne parle pas de ceux qui sont jamais rentrés dans l'islam, parce qu'ils ont jamais cru ces gens-là. Vous êtes d'accord avec moi? Le verset est clair. C'est avez-vous mécru après avoir cru? Ba'da imanikum, man amana? Alladina dakhala l'islam awalan. Fazuqu al-'adaba bima kuntum takfurun. Donc goûtez au châtiment de par justement la cause que vous avez justement donc mécru. Faqala Cheikh al-Islam rahimahullah, famata taraka an-nas ba'da ma amarahum Allah bihi waqa'at baynahum al-'adawa wal-baghdha. Wa idha tafarraqa al-qawm fasadu wa halaku. وإذا اجتمعوا صلحوا وملكوا فإن الجماعة رحمة والفرقة عذاب. Voilà ce qu'il dit Cheikh Ibn Taymiyyah rahmallah. À chaque fois que les gens ils ont délaissé quelques points qui ont été ordonnés par leur azab, taraku ba'd al-asha. La hada ma'lish, hada ma'lish. Khali. C'est pas le moment. Wa ma adri ash. Yak li yal'abun yatun bi 'uqulihim. Laysa al-waqt li'annahum siyasiyun hawla faqat. Wa laysu yani muttabi'un wa laysu 'ubbad yani. C'est parce qu'en général, c'est beaucoup des politiciens, sur plusieurs 50 ans. Et c'est pas des adorateurs comme il le faut. Donc ils détestent, c'est pas le moment. Ils demandent des choses, c'est pas le moment. Il a créé. Donc ils délaissent des choses que Allah leur a ordonnées. Et c'est ce qui a fait que Allah, c'est ce qui a fait qu'entre eux, il y a eu donc justement l'animosité et la haine, la guerre, le barda, donc la haine et l'animosité, donc l'adversité. Car à chaque fois que le groupe se divise, se sépare, qu'est-ce qui vient? Fasadou. Donc justement, donc ils périssent en vérité, wahalakou. Donc en vérité, fasadou wahalakou, ils ont péri. Et s'ils se rassemblent autour de l'islam, salahou wahalakou, ils vont être bien, ils vont arranger leur situation, wahalakou, c'est eux qui vont gouverner, c'est eux qui vont tenir les bonnes choses. C'est eux qui vont en vérité donc être maîtres. Car le groupe, c'est un rahma, et la division, c'est un azab. Adakhal ibn Mas'ud, yani, l'ijtima rahma wa al-furqa azab. On le voit déjà, quand Abdallah ibn Mas'ud, qu'il a dit par rapport au Hajj déjà. Il l'a dit par rapport au Hajj lorsqu'il a vu Othman, donc il priait 4 rakha, à Mina. Othman a pris 4 rakha, alors ils ont dit que le Nabi Sumi priait 2 rakha, mais Othman a pris 4 rakha parce qu'il y avait tellement de nouveaux qui sont rentrés dans l'islam, c'était pour qu'ils apprennent. Ils sont venus directement au Hajj et c'était pour qu'ils apprennent comment il fallait prier 4 rakha. Donc c'était ta'lim, une bête ta'lim, pour qu'ils leur enseignent. Et c'était l'occasion. parce que c'était là où tout le monde venait. Après, les autres qui vivaient à Médine, il y en a qui vivaient dans le sud de l'Arabie, il y en a qui vivaient au Yémen. Mouhim, après, c'est surtout avant. C'est pas facile de voyager. Il n'y a pas les moyens de voyager aussi, hein, comme maintenant. Les gens, pas tout le monde voyageait aussi facilement que maintenant. وقال فإنهم إذا اجتمعوا كانوا مطيعين لله بذلك مرحومين. Car s'ils se rassemblent, si un autour de la religion, ils seront donc en train d'obéir à Allah Azzawajal et ils vont recevoir la miséricorde d'Allah Azzawajal. Marhumin. Donc Allah Azzawajal va leur descendre la miséricorde. Limada. Li'annahum ata'u Allah. Parce qu'ils obéient à Allah tout simplement. Fala takun ta'ati Allah yani bifi'l. Lam yamur Allah bihi yani min i'tiqad aw qal aw amal. Donc tout acte ou tout. Donc tout. Allah Azzawajal. Donc ce n'est pas considéré comme adoration, comme obéissance à Allah par le fait de faire quelque chose qu'Allah n'a pas ordonné. Si Allah ne l'a pas ordonné, donc ce n'est pas une ibadah. Que ce soit dans la croyance, le credo, que ce soit dans la parole ou que ce soit dans l'acte. فَلَوْ كَنَ الْقَوْ أَوْ الْعَمَلْ أَلَّذِي اجْتَمَعُ عَلَيْهِ لَمْ يَمُرُ اللَّهُ بِهِ لَمْ يَكُنْ ذَلِكَ يعني طَعَةً لِلَّهِ وَلَا سَبَبَ مِنِ الرَّحْمَةِ. Donc si la parole ou l'acte à partir duquel ils se sont rassemblés autour et puis Allah ne l'a pas ordonné, hein, cet acte-là ne fait pas partie de quoi, de l'obéissance en Allah Azza wa Jalla, et ce ne sera pas surtout une cause de sa miséricorde. Il ne sera pas donc une cause de sa miséricorde. Et donc Allah dit yuridun l'ishtima yakun yani l'ishtima hawla ad-din as-sahih wa laysa hawla ma yuridun an hawla wa inma ad-din yani khalas ma'ruf ad-din Allah Azza wa Jalla ma'ruf. فأهل السنة مستمسكون بالجماعة معرضون عن مواضع التفرق والاختلاف ملتزمون بجمل الكتاب والسنة والإجماع بعيدون عن مواطن المتشابهات التي تفرق الجامع وتشتتت الشمل لأن الجماعة عندهم هي مناط النجاة في الدنيا والآخرة. Donc les gens de la sunna, ils sont accrochés au groupe. Ils délaissent hein, tous les sujets qui vont amener justement, ils vont délaisser tout ce qui va amener à la division et donc et à la séparation. Ils vont être assidus donc au livre et à la sunna et au groupe. Al-kitab wa sunna wa al-ijma'. Donc ijma' al-ulama. Comme une nes, il y a un shakhs à la djama fin qarn. أو قبل قرنين وتركوا جميع العلماء إجماع العلماء في مسألة معينة واضحة جدا وهم تركوا هذه المسألة وذهبوا إلى مسألة يعني ما تكلم به أحد. كيف هذا؟ Il y a des gens qui prennent la parole d'un homme qui est né il y a un siècle ou deux siècles, je ne sais pas quand, qui est en contradiction avec tous les ulama qui existaient, la Nabi, la Sahaba, ou la Tabi'in, ou la yani قالوا بها. فهو يقول عن شخص الذي جاء بها يعني ألف سنة بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم. فأخذوا به وتمسكوا به وتدينوا بهذا الشيخ بهذا الشيء. Ils se sont accrochés avec, ils en ont fait une religion. Alors que personne n'a rien fait. فكيف هذا يكون دين يعني هذا دين جديد؟ هذا هو الدين الجديد. الدين الجديد يا إخوة ليس يعني الشيء الذي ممكن ما كنت تعرفه أنت. قد يكون هذا على السنة. أنت دائما جميع الأشياء انظر وقيسه يعني على الكتاب والسنة هل يعني على الفعل من السنة أو لا هكذا. فليس الدين جديد شيء الذي ما كنت تعرفه أنت لأن جميعنا ما نعرف الدين بكامله. كم من الأشياء في الدين ما نعرفها كم فقبل يعني بعض الأشياء ما يعني غايبة عنا. Donc souvent on entend des fois دين جديد. دين جديد la religion nouvelle c'est en réalité ce que les gens ont amené alors que ça n'existait pas à l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et c'est pas une sunna qui est revenue alors que les gens ne la connaissaient pas, parce que c'est possible qu'il y a des choses qui nous échappent. Et même, il y a beaucoup de choses qui nous échappent dans la religion d'Allah, subhanahu wa ta'ala, que l'on ne connaît pas. On est ignorant de cet acte ou de cet acte. On va voir quelqu'un faire, on va penser que c'est nouveau. Là, tu te renseignes, est-ce que cet acte-là existe dans la sunna? S'il existe, alhamdulillah, s'il n'existe pas, là, en ce moment-là, tu as le droit de dire din jadid. Donc c'est bien que tu te protèges, que tu dis din jadid, que tu veux savoir si c'est jadid. Ça, c'est bien. Ça prouve qu'il y a quand même la personne a quand même en réalité envie de pratiquer une religion qui reste originelle, mais il faut utiliser les bonnes méthodes pour savoir si cette chose-là est réelle ou pas, tout simplement. Donc il y a une preuve par rapport à cela. Donc bien sûr, alors, ils évitent tout ce qui est ambiguïté et qui, tout ce qui va amener en vérité à la division. Ils font tout pour fermer la porte à la division. Hein, car ils savent que le jama'a, c'est le point le plus important pour justement réussir dans la vie d'ici-bas, dans l'au-delà. Dès que le jama'a est divisé, c'est terminé. C'est terminé pour la religion, dans le sens où c'est terminé pour les musulmans à cette époque-là, ils vont en vérité subir parce qu'ils ne sont pas unis. Quand ils ont été unis, ils ont, comme on l'a vu, donc ils ont reçu la miséricorde, wa malakou kazalik, salahu wa malakou. Ils se sont arrangés, mais en plus, wa malakou. Ils ont pu obtenir, c'était eux qui gouvernaient. Wa hada liyashhadu li sidqihi waqa ala al-bid'a wal ahwa al-mujtami'in ala usul al-bid'iyya. Fa inna firaqahum al-kubra انشعبت إلى ما يحصى عدا من الفرق المتشاكسة المتعاكسة وهذا الظاهر في الخوارج والروافض مثلا فكل من هاتين الطائفتين افترقت إلى فرق كثيرة بعد أن فارقوا الحق وتركوا الإجماع الاجتماع عليه et ça en vérité c'est vrai et on voit réellement ça par rapport aux gens de la bid'a donc les gens de l'innovation et des passions. Ils se rassemblent sur des bases qui sont fausses, qui sont en vérité donc bidaya, qui sont innovées, inventées. Et on voit que plus on verra des gens ramener des bidaya, et plus on les verra diviser. Parce que Kul Wahid, il veut s'accrocher à quelque chose, il ne veut pas sortir de ça. Faqat Soufir. Soufir, il a Kam. Il y a une Firqa, il y a une Humi, il y a une Yaftarekoum. Rien que Soufi. Kul Wahid, il a un Sheikh, il a un Sheikh Wahid, il a un Mout. Il a un Sheikh Wahid, il a un ويأتي بخرافات و هذا يكفي. chacun a son mourid, chacun a son shirk chez les soufis. Ça leur suffit. Donc énormément de celles qui en plus que des fois on les voit qui sont en contradiction, comme al khawarij ou al rawafid. Al khawarij comment ils sont? Al rawafid c'est tout à fait le contraire des khawarij. Par exemple. Donc on voit qu'eux-mêmes déjà ils sont divisés en énormément de sectes. Al khawarij aussi ils sont divisés en plusieurs sectes. Rawafid sont une division énormément de sectes. Car ils ont délaissé l'ijtima, la vérité, et ils se sont bien sûr accrochés à quoi? À au faux. Lisez, il y a le Cheikh l'Islam Taymiyyah, rahmallah, al-bid'atu maqrunatun bil-furqa. Kama anna sunnata maqrunatan bil-jama'a. Fayuqalu ahlu sunna wal-jama'a, kama yuqal ahlu bid'a wal-furqa. La même chose. Donc la bid'a, elle a une relation avec la division. Comme la sunna a une relation avec le groupe. C'est pour cela que l'on dit les gens de la sunna et du groupe, et on dit aussi les gens de la bid'a et de la division. Le furqa, la division. قال الإمام الشاطبي رحمه الله وقال جماعة من العلماء أصول البدع أربعة والصائر يعني 72 فرقة عن هؤلاء تفرقوا وهم الخوارج الروافد القدرية والمرجئة الخوارج donc par rapport à le roulou في الأشياء الروافد كذلك غلو كذلك الجفا يعني فهم في الجفا والقدرية والمرجئة فجمع طوائف يعني ناشئة من تحت هذه الطوائف البدعية donc l'imam Shafi'i رحمه الله dit Il dit qu'un groupe de savants dit que les bases de la bid'a sont au nombre de 4. Et les 72 sectes proviennent de ces donc, bases-là, qui sont Al-Khawarij, qui sont Al-Rawafid, qui sont Al-Qadariya, qui sont Al-Murjiya. Donc on n'est pas là pour rentrer dans les détails de qui sont ces gens personnellement. وَقَدْ ذَكَرَ بَعْدَ الْمُصَنِّفِينَ أَنَّ الْرَوَافِدِ انْقَسَمُوا إِلَى 73 فُرْقَةٍ وأصولهم يعني بعضهم إلى 300 يعني وأوصلهم بعضهم إلى 300 certains disent que les rawafid donc ils sont en division en vérité à plus de 70 voire que certains disent qu'ils sont divisés à plus de 300 sectes ils ont chacun leur petite leur façon de faire personnellement لأنهم ما عندهم أصول يعني الرجوع إلى ماذا إلى الدليل ما عندهم هذا الأصل الرجوع إلى الدليل يأتون إلى ما يريدون ils n'ont pas les bases de revenir à la vérité صحيح فإذا كان الشخص ما عنده من الأصول رجوع إلى الدليل الصحيح كيف يأتي؟ يأتي بما يريد وهكذا واحد هكذا وجمع الشيوخ روافد أغنياء لأن الجميع يجوز يعني يجب عليهم أن يدفعوا لهم من أموالهم، وقد يصل يعني عند البعض إلى 20% من المال. La majorité des groupes, pourquoi ils veulent avoir plus de groupes pour ces? Parce que ces points, on va les tenir. يأخذون منهم الأموال، الأموال يلعبون ببناتهم ويلعبون بأشياء أخرى. Ils jouent avec leur argent, ils jouent avec leurs filles, leurs enfants et autre chose. ما عندهم إلا هذا. أغنياء من أين؟ هكذا. يعني أيماء وأغنياء. ولكن هكذا بدون عمل هكذا. Ils donnent, بعد ذلك يعطون 20%. يعني 20% من أموالهم. Ils ne donnent pas 2,5% de leur zakat, ils donnent de l'argent qu'ils ont économisé. Ils doivent, certains d'entre eux donnent à ces genres de sectes 20% de leurs économies. Indique 1000 euros par mois, t'as de faire 200 euros. Indique 2000 euros par mois, t'as de faire 400 euros. Coule le char. Les coulis char, cette fin. Fakif, il y a un achat skif. Milliardaire, bardène. Ça, là, là. Indou. Rentam. Hakada. Hada laïb. Bidinillahi azza wa jalla. Ils jouent en vérité avec la religion d'Allah subhanahu wa ta'ala. فلذلك افترقوا على أمور الدنيا عادة يعني افترقوا على أهواء ويعني الشهوات. Et voir ils sont divisés à 300 pour se diviser à 307, c'est une preuve qu'ils n'ont pas de façon de procéder pour arriver à ces 300, parce que la façon de procéder c'est de revenir aux preuves qui sont authentiques. S'ils avaient cette base là, il n'y aurait pas eu ce problème là. S'ils avaient justement les bases de revenir aux réelles preuves, mais comme ils dessinent comme ils veulent, automatiquement ils se divisent. Voilà, je fais ce que je veux parce que ça amène plusieurs religions différentes. Mura'at bawabit al-khilaf. Thaniyan. L'un, donc on avait premièrement, ijtima' ala al-haq. Ils se sont unis par rapport à la vérité. Et deuxièmement, mura'at bawabit al-khilaf. Ils font attention aux règles du khilaf. Quand il y a un khilaf, il y a un khilaf, yani haqiqi awla. Jaiz awla. Est-ce que ce khilaf est permis ou pas? Comme dans le fiqh, quoi. كما أمر الله تعالى بالاجتماع والاعتصام فقد يعني حذر ونهى عن الافتراق والابتداع فقال تعالى شرع لكم من الدين ما وصى به نوح والذي أوحينا إليك وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه. Il y a des preuves pourtant, subhanallah. Il vous a légiféré dans la religion ce qu'il a ordonné donc à Nuh, recommandé donc wasa, ça veut dire aussi amara, ça veut dire aussi ici donc ordonné à Nuh, et ce que nous t'avons ordonné à toi, donc au prophète Mohammed Sassan, et ce que nous l'avons aussi ordonné à Ibrahim, et Moussa, et Isa, c'est de mettre en pratique la religion et ne vous divisez pas dans la religion. Iden Adam Tafaruk fi Aïch, fi Din, ma ta kula hadam alish hadam laïsa bimuhim, fi Djamir Din, ma kal fi Usul Din al Azajel, kal fi Din, Iden fi Din fi Djamir Din, Din ou Kamilou, Kamilou, Din Kamil. Donc il dit, ne vous divisez pas dans la religion. Il n'a pas dit ne vous divisez pas juste dans la prière ou bien dans l'irtifat. Mais ne vous divisez pas en vérité dans toute la religion. Parce qu'il dit, fi din, c'est âme. Donc on doit tout accepter. Ça, din, c'est tout ce qu'il y a dans la religion. On ne se permet pas de croire qu'il y a des choses qui ne sont pas importantes. C'est pas vrai? Parce que si ça a été ordonné par Allah, c'est que c'est important. Il y a des choses qui vont passer avant d'autres. Mais c'est pas la chose c'est-à-dire c'est pas la deuxième chose qui n'est pas importante. Il y a des choses qui passent avant d'autres, c'est vrai. Mais il n'y a pas de choses qui ne sont pas importantes. Et l'imam Malik, il n'acceptait pas cette parole-là. De dire qu'une petite question, un petit sujet. L'imam Malik, il s'énervait contre ça. Il dit, Eish, yani su'al yani basit ou la su'al yani layin. Yakun laysashi yani layin yani sahl yani fiddin. Su'al sahl. Li anna Allah azal qayani, inna sanulqa alika qawlan thaqila. Faqal kulche thaqil inda Allah yani fiddin ila azza wa jil. Certes, nous allons descendre sur toi une parole lourde de conséquence. On a questionné l'imam Malik, on a dit une question rapide. On a l'habitude de dire ça, j'ai une petite question. Il n'y a pas de petite question dans l'islam. Cette question-là, elle peut te faire entrer au paradis, comment elle serait petite alors? L'imam Malik, il dit comment? Il s'énerve. Une parole petite. Une parole simple. Mais à la sahla, un sujet simple, facile. Il dit, n'entends-tu pas la parole d'Allah? Il n'y a rien qui est facile dans la religion. Il dit, n'est-ce pas, qu'Allah donc il a dit, certes, nous allons descendre sur toi une parole lourde de conséquences. فقال العلماء الذين ما فهموا يعني هذه الآية وصلوا إلى أن ينظروا المسألة يعني بنظر بعيد. Ceux qui n'ont pas compris ce verset-là, ils regardent en vérité les sujets ils le survolent le sujet. Ils n'y prêtent pas attention. Vous comprenez? Ils ne prêtent pas attention au sujet comme il le faudrait. Parce que pour eux, ce n'est pas important. Alors qu'ils devraient normalement remettre le sujet à son niveau. Ils ne l'ont pas donné, c'est-à-dire le sujet n'est plus chez eux à sa juste valeur. Si on dit que c'est ça, donc il y a, c'est-à-dire que tu tu ne l'as pas respecté le sujet, ça va juste mal dans la religion d'Allah subhanahu wa ta'ala. وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلك وصاكم به لعلكم تتقون. Voici donc ma voie droite, suivez-la et ne suivez pas les droits qui va vous diviser de cette voie. Sirat wahid laysat sirat ukhra. Hada liman lil muslimin, hada lil muslimin, yani hada sirat mustaqim fattabi'u wa la tattabi'u as-subul. Si pour les musulmans, ne suivez pas des autres, inventez des voies. La religion elle est tracée, elle n'est pas inventée. N'est pas, je veux dire, choisi par qui le veut. Voici donc la recommandation afin que vous craigniez. لأن الذي يأتي بالبدع هو لا يتقي الله عز وجل. لأن هذا ليس سبب التقوى. ولا يمكن أن يتقي الله عز وجل بالبدع. لأن البدع ليست من دين الله عز وجل. فكيف يأتي بالبدع؟ إيمانه ينقص ولا يزيد. العكس. Donc ça ne ramène pas la foi en vérité. Parce que c'est le bidah ne va pas ramener la foi, les bidah, les innovations. Mais plutôt, la vérité, c'est elle qui va ramener la foi. Et leur foi, ni leur crainte, ils n'en ont pas en vérité. Au contraire, leur foi baisse, elle ne monte pas parce qu'ils ne font que s'éloigner d'Allah Azzajal en vivant comme de cette façon-là. فَحِنَ يَقَعُ الْخِلَافِ الْعِلْمِ بَيْنَ أَهْلِ السُنَّةِ يَقَعُ مُنْضَبِطًا بِضَوَابِتِهِ الَّتِي مِنْ أَهَمِّهَا الْحِرْسِ على الوحدة والائتلاف والصلاح الذات المبين البين صلاح الذات البين. Contrairement lorsqu'il y a chez les ulama une divergence fil ilm, la divergence elle est bil dawabit shar'iyya, avec donc les règles religieuses sérieuses. Pourquoi? Afin que les musulmans restent toujours unis. Ils restent unis. Et aussi pour arranger justement entre ceux qui sont en division. Donc il dit wa qad kana shaykh Ibn Taymiyyah il dit rahmoullah وقد كان العلماء من الصحابة والتابعين ومن بعدهم إذا تنازعوا في الأمر اتبعوا أمر الله عز وجل في قوله فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. وكانوا يتناظرون في المسألة مناظرة مشاورة ومناصحة وربما اختلف قولهم يعني في المسألة العلمية والعملية مع بقاء الألفة والعصمة والأخوة في الدين. Comme il dit chez Saint Timothée, رحمه الله. Donc il dit, certes, les ulama parmi les compagnons, parmi les tabi'in et ceux qu'ils ont suivis, lorsqu'ils n'étaient pas d'accord dans un sujet, في الفقه, في الدين, كان يرجعون إلى ما قال الله عز وجل في كتابه. Ils revenaient à la parole d'Allah عز وجل. Si vous êtes en quelconque divergence donc sur un sujet, remettez-le à Allah et à son envoyé, il y a au Coran, il y a la Sunna, au prophète sallallahu alayhi wa sallam s'il était vivant, et enfin, après sa mort, c'est-à-dire qu'il nous a laissé donc sa Sunna. Madame, in kuntum, si réellement vous croyez en Allah, hein, et au jour dernier, et bien sûr cela est bien meilleur, c'est bien meilleur parce que tu vas arriver à un point de vérité. Quoi qu'il en soit, le fait que tu recherches la vérité, le alim il sera toujours récompensé parce qu'il recherche la vérité, même s'il a tort. Donc c'est khair pour lui, c'est mieux que se retrouver dans le faux. Et c'est une meilleure interprétation. Parce qu'il n'y a pas de meilleure interprétation que la vérité, que le Coran et la Sunna. Donc, lorsqu'ils discutaient sur un sujet, ils discutaient, qu'est-ce que tu penses de ça? Moi je dis ça et toi. Donc, ils s'échangeaient. Ils s'échangeaient en vérité le sujet avec adab, avec bon comportement et respect. Et des fois, donc, ils pouvaient donc être en divergence dans le masala ilmiya, la amaliya, donc le amal aussi. Mais l'unité, elle restait. Donc le fait d'être frère en religion, ça reste. Il y a déjà eu des munazarat depuis toujours jusqu'à maintenant. Sur la bannière et sur la bête, du souffle jusqu'au bord presque. Juste pour un sujet, par rapport à Sanat. Un sujet, à Médine. Il y a plusieurs choujours qui sont là, qui voient, qui entendent. Jusqu'à une messe elle fait Sanat. Du souffle jusqu'au bête au bord. Jusqu'à y en ait presque au bord. Non, regardez pour un seul sujet. Tout en restant avec le respect et la khélie. Chacun est pardonné donc ses points de vue. وهذا الأمر مشاهد ملموس في الخلاف الذي ينشأ بين أهل السنة وأنفسهم وبين أهل السنة وأهل البدع. فأما ما يكون بينهم وبين بعضهم يعني فكثر جدا. فقد وقع الخلاف بين الصحابة أنفسهم حول بعض المسائل العقدية، ولكن لم تكن هذه المسائل من أمهات الكليات في هذا الباب. وقد سبق هذه الأمثلة من ذلك اختلافهم يعني في رؤية النبي صلى الله عليه وسلم لربه ليلة المعراج، هل وقعت أم لا؟ نقول لا. Il y a eu des ikhtilafs qu'on a eu par rapport aux compagnons. Donc, est-ce que Nabi Sallam a vu Allah lorsqu'il est monté dans le mi'raj ou pas? Mi'raj ou pas? Il y a eu des ikhtilafs. D'accord? Aussi, bien sûr, l'ikhtilaf, donc, fil furu', hein? Ou al-ahkam al-fiqhiyya, al-amaliyya, wa huwa kathir mashhur, yani mashhur. Il y a eu beaucoup de divergences chez les ulama par rapport aux règles religieuses, par rapport aux actes. Est-ce que c'est connu? Avec une tout en restant respectueux les uns envers les autres. أما مواقفهم مع غيرهم ممن خالف في الأصول دون الفروع فيشهده موقف ابن عباس مع الخوارج ورحمته بهم ونقاشه معهم الذي كان سببا في رجوع الألفين منهم إلى ساحة السنة وإلى طريق الجماعة وكذا إمام أهل السنة الإمام أحمد في موقفه من مخالفه وعبد العزيز الكناني ولقد يعني حظوهم شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله جميعا وهم مع هذا كانوا يعني أحرص الناس على جمع الكلمة ووحدة الصف وإصلاح الذات البين. Donc les gens de la sunna du consensus toujours ils essayent à coup de hal lorsque on a vu Ibn Abbas comment ils se comportaient avec les khawarij avec le délil يعني جاهدهم يعني به جهادا كبيرا بالعلم لما جاهد الخوارج لأنهم من أهل الإسلام أولا فما داموا من أهل الإسلام أولا يعني أول وأفضل الجهاد أن تجاهدهم يعني بالعلم أن تخبروا يعني أخطأهم عن أخطائهم سيكون فاتي أن تبينوا يعني أخطأهم تمنت فاتي لغزة ابن عباس يفعل أفضل فغنير دابور فالذي يرجع يرجعه والذي لا يرجع طبعا يبقى يعني رضى عليه الآخر يبقى هناك رضى. Donc il a montré, et ça c'est une miséricorde, disons la sunna, de vouloir faire revenir celui qui est dans l'erreur vers le vrai. A dire Rahmatullah Azza wa Jalla al-Nas. C'est une miséricorde. Dis-lui tu t'es trompé, reviens vers le vrai. Hein? Bil adab wa layn. Afin qu'il revienne. L'imam Ahmed, la même chose. Et donc justement parce que justement il voulait donc faire revenir les gens. Donc Cheikh Ibn Taymiyyah il dit Rahmatullah. Ta'allamu anna min al-qawa'id al-'azima allati hiya min jama'a ad-din. تأليف القلوب واجتماع الكلمة وصلاح ذات البين فإن الله تعالى يقول واتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم. Donc il dit sachez et apprenez que parmi les règles importantes c'est l'union dans la religion et de faire donc unir les cœurs et que la parole soit unie. Bien sûr il faut que la parole soit unifiée, on ne va pas unir les cœurs comme on l'a dit avec en mélangeant le vrai et le faux. Parce que les gens ne vont plus savoir où est le vrai, où est le faux, si on s'unit avec n'importe qui. Alors qu'ils devraient réfléchir à ça plutôt qu'autre chose. L'histoire montre que ce n'est pas possible. Et que d'abord, l'islam le montre, et même l'histoire le montre. Donc je ne sais pas comment ces gens-là ils voient. Ni dans la religion ils ont vu de Dalil, ni dans le vécu ils ont vu de Dalil. Je ne sais pas comment ils sont. Ijtima al-Kalima, le groupe qui est uni, est arrangé entre ceux qui ont des problèmes entre eux. Car Allah Azza dit donc, craignez Allah et. Arranger donc arranger en vérité les uns envers les autres. Lorsqu'il y a des problèmes entre les gens envers les autres, il faut essayer de réconcilier les uns envers les autres. فما إنه من لوازم الاجتماع والدعوة إليه النهي عن الفرقة وأسبابها. قال الإمام القرطبي وقال ابن عباس رضي الله عنه لسماك الحنفي يا حنفي الجماعة فإنما هلكت الأمم السابقة لتفرقها. وأما سمعت الله عز وجل يقول واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. Regardez ce qu'il dit Ibn Abbas à Sammak al-Hanafi. Il dit oh Hanafi, le groupe, sache, ou plutôt réellement, donc les communautés se sont en vérité ont péri, les communautés passées ont péri, car ils se sont divisés. N'entends-tu pas Allah Azza wa Jalla dire et accrochez-vous tous ensemble dans la hanse d'Allah et ne vous divisez pas. وقد مر قول ابن عباس في تفسير قوله تعالى يوم تبيض وجوه وتسود وجوه قال ابن عباس فاسمعوا جيدا حتى تفهموا وليس هذا كلام يعني انظروا الى كلام يعني صحابي رسول الله صلى الله عليه وسلم قال تبيض وجوه اهل السنه والجماعه وتسود وجوه اهل البدعه والفرقه في التفسير ابن كثير فقال الذي يريد ان يرجع فيرجع الى تفسير ابن كثير رحمه الله عليه. Donc dans le tafsir de ça il dit sont éliminés les visages des gens de la sunna du consensus et on sombrit les visages des gens de la bid'a et de la division. وقت الأذان أقحكم لكم كل شيء باقي ممكن دقيقة نتعلم مسألة. وقرأ ابن وهب سمعت مالكا لمن مالك رحمه الله ما آية في كتاب الله عز وجل أشد على أهل الاختلاف من أهل الأهواء من هذه الآية يوم تبيض وجوه وتسود وجوه فأما الذين سودت وجوههم أكفرتم بعد إيمانكم فذوقوا العذاب مما كنتم تكفرون. Voilà ce que dit Imam Malik. Il dit, il n'y a pas un verset qui est plus dur, qui fait en vérité plus mal, hein, que les gens qui se sont divisés, Ahl al-Ikhtilaf, et que les gens des passions, Ahl al-Ahwa, que ce verset-là. يوم تبيض وجوه وتسود وجوه فأما الذين سودت وجوههم أكفرتم بعد إيمانكم فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون. وقال مالك فأي كلام أبين من ذلك. Est-ce qu'il y a une parole qui est plus claire que celle-ci? Il dit أي كلام أبين من ذلك. Elle est claire, très claire. Il dit donc أبين من هذا فرأيته يعني يتأولها لأهل الأهواء. يعني رواه ابن القاسم وزاد وقال مالك وقال مالك وإنما هذه الآية لأهل القبلة. ماذا قال الإمام مالك؟ وهذه الآية لأهل القبلة مسلمون لكن مبتدعون. Parce que كفرتم بعد إيمانكم بعد أن تدخلوا الإسلام كفرتم بأي شيء بالبدع. ليس بمعنى أنهم كفار بمعنى أنهم يعني تركوا الحق وذهبوا إلى ما يريدون أن هؤلاء تركوا بعض الحق وذهبوا إلى بعض الباطل الذين جاءوا بها بالأهواء. Donc ici voilà comment il continue. Donc ça veut dire quoi? Ils ont pris, qu'est-ce qu'ils ont pris? Ils ont pris les versets, donc bien sûr ils ont joué avec. Mais même qui dit, certes, ce verset-là, bien sûr, il est pour les gens de l'islam, les gens de la Qibla, les gens, donc pour les musulmans. Dakhalou l'islam wa kin yani dhahab iftaraku bi sabab al-bid'ah. Barakallahu fikum, subhanakallahu wa bihamdik, ashhadu anna ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilayk.